7-7. J'enchaînais, je surjoins. Quand j'étais chaud, j'allais voler. En cours, j'étais plutôt violent. En aucun cas, je me laissais faire. J'avais toujours ce qu'il faut, souvent apprécié par toutes les filles. Patrick, c'est par The Wire. J'ai eu envie de bicrave. J'ai harcelé de spies pour qu'il me pousse du shit. Il m'a dit, fais partir, ramène 26 et garde le reste. Mes petits frères, fais belé. Qu'est-ce que t'es sûr de prendre des risques? Et regarde, j'ai tout compris. J'ai grandi, j'ai appris. Qu'en faire du bénéfice, qu'en frais, non, c'est pas si facile. Tout le temps, ma mère me répète de faire attention à mes potes. La plupart, c'est des putes, elles pourront y t'en mettre dans le cul. Je me réveille, je sais, je vis pour vendre, je sais, je me l'avance payer. Un train de débat très passionnant et un peu casse-couille des fois. Et je suis dans le bex, je vis Serge Vesky la haine. Et je suis dans le bex, je vis Serge, pense à la paix. Cette plaquette au kilo, police va te faire enculer. Si tu soucies du regard des gens, tu vas jamais y arriver. En peu de temps, je leur ai très mort. Et regarde ma nouvelle montre. C'est à mon buzz qu'elle s'agrippe. Cette pute compte pas lâcher la crotte. Le buzz ramène que du bénéf. Du bénéf, beaucoup de bénéf. Mon compte en banque se remplit. En plus de sable, des sables toutes neuves. Plus de bolos, plus de billets. Plus de billets, plus de guedron. En plus de ça, c'est que de la peuvre. Et ça les attire tous. Je finis ici, personne balance. Pas sur mon joint, mes gants. Je suis dans le bex, je pense à la paix.